J'ai rêvé d'un monde sans guerre, où les hommes y naissaient libres, et les enfants seraient tous fiers de leurs parents si sensibles. J'ai rêvé de ces faits divers, où les crimes n'existeraient pas. J'aimerais tant que tous mes frères soient solidaires, rien qu'une fois. Allô, allô, est-ce que quelqu'un m'entend? Allô, j'ai dit allô, y'en a marre de tout ce boucan. Allô, allô, faudrait peut-être qu'on se réveille. Mais allô, j'ai dit allô, y'en a marre, j'ai la migraine et y'en a assez. Assez. Et y'en a assez. J'ai vu cet homme qui marchait sans rêve, l'air triste, regard amer. Il se demande si le ciel pense à lui, agenouillé, l'air en colère. J'ai vu cette femme remplie d'effroi, juger son prochain sans le connaître. J'ai vu ce monde rempli de lois, j'ai vu cette mère qui se noie. Allô, allô, est-ce que quelqu'un m'entend? Allô, j'ai dit allô, y'en a marre de tout ce boucan. Allô, allô, faudrait peut-être qu'on se réveille. Mais allô, j'ai dit allô, y'en a marre, j'ai la migraine et y'en a assez. Assez. Et y'en a assez. Assez. Et y'en a assez. Non, tu ne rêves pas, tu vis bien dans cet univers. Arrête un peu de te faire du mal et regarde autour de toi. Non, tu ne rêves pas, t'es pas le plus à plaindre sur terre. Ne vois-tu pas cette vie te tirer vers le bas? Allô, allô, est-ce que quelqu'un m'entend? Allô, j'ai dit allô, y'en a marre de tout ce boucan. Allô, allô, faudrait peut-être qu'on se réveille. Mais allô, j'ai dit allô, y'en a marre, j'ai la migraine et y'en a assez. Assez. Et y'en a assez. Assez. Et y'en a assez.